Kanyangi. Auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques OLUCOM demande au gouvernement burundais de ratifier la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Des habitants du quartier Winherekwa en zone urbaine de Gihosha disent être menacés par un écroulement d'une partie d'une route les reliant à la commune Isare. Dans cette édition, on se rendra dans les provinces de Kayanza et Chibitoke pour parler de la campagne de collecte des graines de maïs. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Koubguimane. Bienvenue encore une fois. Une partie de la route reliant à la cellule 12 du quartier Winherekwa de la zone Gihosha à la commune Isare s'est affaissée, emportée par la rivière Chari. Les habitants de cette localité qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro ce lundi se plaignent et disent enregistrer des pertes énormes. Ils demandent aux autorités de tout faire pour réhabiliter cette route. Une demande également formulée par la chef de cellule de ce secteur qui indique que le Bourra avait effectué une descente sur terrain. Un reportage signé Sheila Irambona. Arrivé à cet endroit, ce qui se remarque, c'est la profondeur du fossé qui s'est formé à cause de cette rivière, ainsi que l'effort fourni par les motards qui essaient de dépasser cet endroit. Interrogés, certains habitants de cette localité ont affirmé que, outre la peur au ventre qu'ils ont, car leur maison risque d'être emportée à tout moment, la détérioration de cette route fait qu'ils enregistrent des pertes énormes. Ceux qui amènent les marchandises au marché les laissent par ici. Les camions les déchargent là et ils emportent jusque là-bas par tête. C'est un problème que nous avons. On a augmenté les prix de toutes les marchandises. Nous vivons une situation précaire parce que tout a été rehaussé à cause de cette route. Nous faisons du commerce dans ces boutiques. Nous sommes obligés de payer le loyer et vu qu'il n'y a pas de circulation, nous n'arrivons pas à trouver de quoi payer et gagner de l'argent à mettre de côté. Ils demandent aux autorités d'intervenir dans les brefs délais. Nous demandons la réhabilitation de cette route car nous enregistrons des pertes. Nous demandons qu'ils le fassent pour que nos enfants puissent bien passer par cet endroit. Également ceux qui ont des voitures, car même les commerçants enregistrent des pertes. Une demande également faite par la chef de la 12e cellule de cette localité qui indique que le Bourra avait effectué une descente sur les lieux. Le Bourra est déjà passé par ici. Nous demandons que cette agence puisse intervenir. Les informations recueillies sur place indiquent que 5 maisons ont été déjà emportées par cette effondrement. Les autorités de cette localité indiquent craindre le pire pour la prochaine saison pluviale. Sheila Irambona, parlons gouvernance à présent. L'État burundais paiera en ne ratifiant pas la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Dans une conférence de presse de ce lundi, le porte-parole de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, a fait savoir que cette charte est un document exigeant en matière de transparence totale. Jean Douiman a indiqué que les textes de la dite charte montrent comment un pays peut aboutir un développement durable et réaliste. L'OLUCOM demande à ce que cette charte soit ratifiée. On l'écoute. Les États qui ont été à Addis Abeba le 30 janvier 2007 ont adopté à l'unanimité cette charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Comme procédure d'appropriation de cette charte, c'est la ratification. Alors, le Burundi a signé pour la première procédure. Vous savez, les étapes de ratification, c'est la signature d'abord, et puis c'est la préparation des instruments pour la ratification, et puis c'est le dépôt. Le dépôt des instruments de ratification. Vous savez, le Burundi alors s'est arrêté à cette première étape de signature. Alors, le Burundi n'a pas évidemment encore ratifié parce que, à ce que nous croyons, c'est que cet instrument exige. Il a un caractère d'une loi. Une fois la ratifié, ça entre directement dans les textes nationaux. Alors c'est pour vous dire que les pays qui n'ont pas ratifié ça, ont eu peur, s'acquisent dans l'incapacité. Cette charte, une fois le pays ratifie ça, ça devient des dispositions de la constitution de la République. Et vous trouverez que ça devient une charge pour les autorités. En fait, cet instrument, vu les dérapages que nous vivons, vu les programmes qui n'aboutissent pas au niveau de l'État, vu les politiques qui trébuchent, c'est là, vu le développement qui n'est pas aujourd'hui une réalité, la pauvreté, la misère sans précédent qui enveloppe le peuple burundais, il est temps, il est grand temps. Une fois ratifié cela, si on organise des élections, l'Union africaine est présente pour surveiller les élections et pour donner aussi des conseils. Alors là, vous trouverez qu'on n'a pas gagné car le pays n'a pas encore ratifié cela. Jean Douimana, porte-parole de l'ELUCOM, après une courte transition par l'agriculture. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les agriculteurs de la commune de Kayanza qui sont en train de vendre leurs grains de maïs à l'Agence nationale de gestion et de sécurité alimentaire en AGESA demandent d'être payés et sont tardés afin de trouver de l'argent pour payer la solde des fertilisants et des semences pour cette saison culturelle. C'est en cours d'Agijimana Jean-Pierre, agent communal de l'AGESA en cette commune, tranquillise que cette question a déjà été soumise aux autorités compétentes pour y trouver solution. Patrick Senguiouve. Dans la commune de Kayanza, il y a 4 centres de collecte des grains de maïs par la NAGESA, selon les zones qui composent cette commune. Lorsque nous avons passé à la colline Guinale près de la paroisse Luganza où se trouvait le centre de collecte des grains de maïs des agriculteurs de la zone Kayanza, on nous a indiqué que depuis la suspension temporaire de cette activité par le premier ministre burundais, les activités ont redémarré ce lundi en zone Kayanza. Jean-Pierre Ndagijimana, agent de l'Agence nationale de gestion de stock et de la sécurité alimentaire en commune Kayanza, a indiqué pourtant qu'il s'inquiétait pour la disponibilité des pesticides et insecticides et d'autres objets nécessaires pour cette activité, comme des emballages expliquant que les agriculteurs en commune Kayanza vendent leurs grains de maïs à la NAGESA en grande quantité. Cet agent de l'Agence nationale de stock et de sécurité alimentaire en commune Kayanza fait savoir également que la NAGESA achète ses grains de maïs des agriculteurs à crédit du fait que l'argent pour les payer n'est pas encore disponible sur les comptes bancaires. Les agriculteurs en commune Kayanza avec qui nous nous sommes entretenus se sont dit se réjouir du redémarrage de cette activité de collecter de leurs grains de maïs, mais disent ne pas apprécier la façon dont ils vendent ce produit à crédit. Ces agriculteurs demandent au gouvernement burundais que le paiement puisse se faire rapidement afin de trouver des moyens pour se payer la sorte des fertilisants et les semences pour cette saison culturelle, c'est en cours. Interrogé à ce propos, Jean-Pierre Ndagijimana, agent de la NAGESA en commune Kayanza, il nous a indiqué que la question est déjà connue par les instances habilitées et a tranquillisé à cet effet les agriculteurs que le paiement ne tardera pas à se faire afin de leur permettre à bien se préparer au sommet de cette saison culturelle en cours. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Et les agriculteurs de la commune Rugombo en province de Cibitoke s'indignent que la NAGESA n'a pas encore collecté ses graines de maïs. Certains gardent leur production devant les enceintes de cette agence, tandis que d'autres préfèrent les garder chez eux, alors que le Premier ministre a ordonné en date du 5 juin courant que cette activité, certains se lamentent que l'agriculteur semble être négligé dans ces circonstances et demande au gouvernement d'organiser la gestion de cette récolte pour le bien de la population. Suivez ce micro-baladeur. Nous avons cultivé et on a eu une bonne production de maïs. Mais il n'y a pas d'acheteurs. Notre production ici à la coopérative est pleine. Nous sommes fâchés de voir comment nous produisons et manquons des gens qui peuvent acheter. Nos familles ici à Rugombo vivent dans la pauvreté parce que nos productions ne sont pas achetées. Les graines de maïs commencent à pourrir. Même pour les productions testées, à la NAGESA, on ne nous donne pas de l'argent. Ils nous donnent seulement des reçus. Nous ne savons pas pourquoi nos productions ne trouvent pas de marché. Nous demandons aux concernés d'acheter nos productions à un prix qui nous avantage pour compléter nos besoins dans nos familles, car ça nous fatigue beaucoup. C'est une grande perte dans la production de maïs. Ils ont produit, mais pas de marché d'écoulement. Tous les cultivateurs sont bras croisés parce qu'il n'y a pas de marché pour vendre ces graines de maïs. Nous avons faim car nous en faisons rien. Que le gouvernement intervienne afin de nous aider et de donner le marché pour nos productions de maïs. Le problème est que le gouvernement a interdit aux particuliers d'acheter nos produits agricoles et nous a promis d'acheter nos récoltes de maïs à un prix avantageux, chose qui n'a pas été faite. Si le gouvernement aurait autorisé les privés de prendre nos récoltes, nous ne pouvons plus nous lamenter. Nous lui demandons de soutenir un citoyen. Et le directeur général de la NAGESSA affirme que la campagne de collecte de ces graines de maïs a repris depuis mardi de la semaine passée. Restons à l'ouest du pays, cette fois-ci en province Bubanza pour parler insécurité. 9 personnes ont été blessées samedi sur la colline Rugunga, tout près du camp militaire de Mudubugu. C'était lors d'une bagarre qui a éclaté entre des civils qui prenaient envers et certains des militaires qui étaient sur place. Les administratifs expliquent que les deux parties en conflit ont été entendus ce lundi matin afin de rétablir de bonnes relations. Le point avec Spes Caritas Kabanyana. C'était ce samedi soir au moment où un malentendu a éclaté entre les civils qui partageaient un verre sur la colline Rugunga, tout près du camp militaire de Mutubugu. Certains militaires qui étaient sur les lieux, une bagarre a éclaté entre les deux parties. Les administratifs locaux précisent qu'ils ont demandé intervention pour arrêter la bagarre et font savoir que 9 civils ont été blessés, 8 légèrement blessés et un autre grièvement blessé et qui a été vite évacué à l'hôpital selon la même source. Les habitants de la colline Rugunga déplorent les faits et disent qu'ils n'étaient pas habitués à des malentendus entre civils et militaires. Ils demandent que ce genre de comportement ne continue pas. Au niveau de l'administration, on explique que les civils qui ont eu des accrochages avec les militaires ont été convoqués ce lundi matin pour être écoutés, de même que l'autre partie, afin de résoudre ce problème et rétablir de bonnes relations comme c'était auparavant. Spes Caritas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Parlons politique. En match de football opposant les jeunes affiliés à différents partis politiques et confessions religieuses des communes Gitega et Giheta a été joué ce dimanche dans le cadre de préparer un climat apaisé lors des élections prochaines. La conférence interconfession du Burundi qui a organisé ce match promet de tout faire pour qu'un climat apaisé caractérise ces élections. Le représentant du parti Uprona Gitega a proposé plus de réunions à des politiques au moment où le parti Savanya Frodebout trouve que c'est le parti présidentiel qui a la responsabilité d'établir un climat apaisé. Le point avec Gérard Nibigida. L'animateur social au sein de la conférence interconfession du Burundi, CICB, Saïman Anglebert, indique que cette organisation est prête à tout faire pour que les élections prochaines soient déroulées dans un climat apaisé parmi les politiciens. Au moment où ce dimanche, le CICB avait organisé un match de football qui a opposé les jeunes de partis politiques variés et membres des confessions religieuses diverses des communes Guieta et Gitega, la chargée du développement au sein du parti présidentiel CNDD-FDD dans la nouvelle commune Gitega, Madame Ndaikengruki Anglebert demande à ces jeunes de servir d'exemple aux autres jeunes et que tous les jeunes refusent d'écouter les adultes qui voudraient les induire en erreur politique lors des prochaines élections. De son côté, Rémi Nahimana, représentant provincial du parti politique Iprona à Gitega, dit qu'en plus des jeux collectifs, les jeunes membres des formations politiques et adultes devraient bénéficier de multiples formations allant dans le sens d'aboutir aux élections apaisées. En outre, le représentant du parti politique Sohania Frodibou dans la nouvelle province Gitega, Daniel Manirakiza, trouvait que c'est le parti présidentiel qui doit prendre le devant dans la recherche d'un climat apaisé lors des prochaines élections afin que les autres formations politiques le prennent pour exemple. Il conclut que c'est la mise en place place de deux membres communaux et provinciaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui définira le climat qui caractérisera les prochaines élections. L'administrateur de la commune Guietta, Micheline Ninahaza, a quant à elle précisé que l'unité dans la diversité constitue une force au moment où l'administrateur de la commune Guitega Jacques Ndouimana a demandé que l'unité démontrée dans son match persiste. Le match a pris fin à un score égal de 3 buts partout et les partis politiques IPRONA, FRODEBOUSEN, DFTD et FNL avaient été représentés. Depuis Guitega, Jeanne Bigila pour la radio Isangani. Radio Isanganiro, chronique sport. Le sport scolaire joue un grand rôle dans la promotion du sport féminin et la détection des talents pour les jeunes filles. Liliane Chimirimana, présidente de l'Association des journalistes des sports du Burundi, indique que les présidents des clubs et les entraîneurs qui recrutent les joueuses et ont pratiqué le sport scolaire n'éprouvent pas de difficultés pour les encadrer. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Le rôle du sport scolaire dans la promotion du sport féminin est crucial du fait que les filles qui ont été recrutées dans différents clubs ont commencé le sport dans les établissements scolaires. Explication de Liliane Chimirimana, présidente de l'Association des journalistes des sports au Burundi, AGSB. Le sport scolaire joue un rôle crucial dans le développement et la détection des talents chez les jeunes en général et chez les jeunes filles en particulier. Par exemple, ces jeunes que nous voyons recrutés par les grands clubs, les grandes équipes, ont été formés par les écoles. Donc, je dirais que le sport scolaire joue un grand rôle dans le développement du sport chez les jeunes filles. Ce sport scolaire aide les jeunes filles à surmonter certaines barrières culturelles qui peuvent les freiner dans leur carrière sportive. Un autre rôle du sport scolaire que je dirais, c'est cette façon que les jeunes filles qui évoluent dans les écoles quand elles pratiquent le sport, elles surmontent certaines barrières qui peuvent les freiner dans leur carrière sportive, c'est notamment les barrières culturelles qui disent que le sport est réservé pour les garçons et non pour les filles. Donc, quand les jeunes filles apprennent le sport étant encore sur le banc de l'école, c'est comme si elles apprennent les cours de mathématiques, les cours de chimie, donc tous les cours en général. La présidente de l'Association des journalistes des sports au Burundi précise que la participation des jeunes filles scolarisées au sport permet à ces filles de développer la confiance en soi ainsi que la compétence sociale. D'abord, il y a le développement personnel. Même dans d'autres domaines, on dit que chez les filles et les femmes, il y a un manque d'estime de soi. Donc, la participation au sport permet aux jeunes filles de développer leur confiance en soi, leurs compétences sociales. Ça peut aussi être une promotion de mode de vie. Et à travers le sport scolaire, les jeunes filles sont encouragées à adopter un mode de vie sain et actif. Sa santé est bonne. Donc ça, c'est au niveau de la santé. Selon toujours la présidente de la GSB, le sport peut être une activité génératrice de revenus pour les jeunes filles du fait qu'elles reçoivent des primes du match lorsqu'elles représentent leurs écoles dans les différentes compétitions. Un autre avantage que peut servir le sport scolaire dans la promotion des jeunes filles, le sport peut aussi être une activité génératrice de revenus. Ça peut être une source de revenus pour une fille qui pratique le sport parce que elle peut décrocher des opportunités, elle peut gagner sa vie à travers, par exemple, les primes ou les salaires perçus lors des matchs quand elle joue dans une équipe. Ou bien quand son équipe effectue des sorties vers l'extérieur du pays, vous savez qu'elle ne porte pas les mains vides. Dans la prochaine chronique sportive, Liliane Chimirimana expliquera les défis qui hantent le développement du sport féminin dans les écoles et les voies de sortie. Ainsi s'achève cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubguimana qui a assuré la mise en onde. Au revoir.